Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h si vous avez raté le début. Cette semaine, les transidentités, pour une fois, racontées par les trans, une série de Perrine Kervran réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des conversations dans les couloirs de France Culture avec Hélène Azéra et l'envie de partager sa colère intacte et son humour décapant. Il y a aussi ces choses qu'on ignore et que l'on a honte d'ignorer, la transphobie toujours virulente et les politiques normatives et eugénistes, et récemment l'assassinat de Vanessa Campos. Et enfin, il y a le plaisir joyeux de parler avec quelqu'un qui est finalement en accord avec son identité. Mais il y a aussi la nécessité de faire un peu d'histoire pour démarrer, surtout quand c'est l'histoire de ceux, celles et les autres qui se sont mis debout. Alors pour commencer, les personnages. Une jeune fille timide et déterminée, une résistante qui avait ses entrées, une activiste debordienne, une sociologue à qui on ne la fait pas, un pasteur gay qui ouvre les portes, une chercheuse qui a tracé sa route, un psychologue qui a créé les endroits dont il avait besoin, une militante travailleuse du sexe qui mène sa barque et un sociologue queer et mordant. Ensuite, le décor. De vieilles photos, des robes à sensations, des paillettes, l'Algérie, des fausses cartes, des associations, des fanzines, les rues de Bogota, des plaquettes de pilules, le sida, les rues de Rome et de Paris, les AG d'ACT UP, les premiers traitements, des apps, un baiser et des slogans. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive en pleine manif. On a assez de sociétés qui ne respectent pas les trans et les intersexuels. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. C'était le désert. À part le mot transsexuel, il n'y avait pas. Les transidentités, pour une fois, racontées par les trans. C'était pas facile, j'ai envie de dire même. Et avec les mots que j'avais à ma disposition, c'était impossible de me nommer. Histoire inédite d'une mobilisation. France, attestez une loi, des droits qui respectent nos choix. Aucun. Rien, pas de mots. Les seuls mots que j'avais, c'était travesti, transsexuel, parce qu'on n'avait pas le mot transgenre. Qu'on avait inventé syndrome de Benjamin, parce que ça nous paraissait moins mauvais. Et quand on a découvert le terme transidentité, je crois que ça a été vraiment une bonne chose, quoi. Dès le début, je rappelle, c'est dans tout, il y avait un glossaire, et on disait, ne dites plus travesti, c'était encore le mot qui était employé, dites nos sœurs. Et là, on est en 72. Transgenre, trans, je ne sais quoi, parce que je m'y perds dans tous ces mots. On disait quoi ? Oh non, on disait travesti. Mais vous savez, travesti, c'est un mot que nous avons gardé. Moi, tout le temps que j'ai travaillé au Carousel, on disait travesti. On est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. On est bien dans ces bras-là. Depuis longtemps, je voulais faire une série documentaire sur la vie des personnes transgenres en France aujourd'hui. Mais j'imaginais quelque chose d'intime avec des récits à la première personne, des trajectoires, des enfances et des vies quotidiennes. Alors j'ai lu, j'ai travaillé et surtout j'ai parlé avec des personnes transgenres, militantes ou pas, chercheuses ou pas, artiste ou pas, autrice ou pas, et visiblement, j'étais loi blanche à côté de la plaque. Parce qu'en fait, il y avait plus urgent à faire. Il y a une histoire à raconter. Une histoire qui n'a pas fait l'objet de vraies recherches historiques. Une histoire donc violente, émouvante, combative, essentielle, collective et insolente. Celle des mobilisations transidentitaires. Ça, c'est une photo de chez Madame Arthur et il y a... Mais au départ... On en revient souvent au cabaret, que qui mettait en scène celles qu'on appelait alors les travestis, et parmi elles Marie-Pierre Pruvot, écrivaine et autrefois vedette du Carrousel, et qui débarque à Paris à 18 ans en 1954. Vous aimez cette robe sirène? C'est une robe fourreau. Elle est entièrement strassée, voyez-vous, c'est un petit couturier qui m'a fait ça, c'est pas du tout une robe de grand magasin. Elle a été faite à l'atelier et elle a été strassée par ma mère. Couverte de strass, on dirait comme des écailles. Oui, oui, ça fait beaucoup d'effet en scène, c'est tape à l'œil, c'est voilà. Je ne sais pas où elle est passée, cette robe. Qui sait où elle est passée? Pourtant, je l'aimais beaucoup. Vous avez un bras relevé qui vous cache un peu le visage. Oui, si bien que ça cache aussi la mèche de cheveux, ça écrase la mèche de cheveux. Je ne suis pas sûr. Regardez aussi, on voit l'os du coude qui est trop proéminent, mais enfin, ouais. C'est peut-être pas sûr que j'ai bien posé. Vous êtes impitoyable avec vous. Non, mais la ligne est jolie, vous voyez, ici, la ligne, la cambrure belle. La hanche ressort suffisamment sans que le ventre soit trop proéminent. Et il y a beaucoup de tulle. Ah, ça, on n'a pas pleuré le tulle. Et donc vous dansiez, vous chantiez ? Oui, mais vous savez ce que je pense de mon talent, il n'est pas très affûté. Mais je m'en sortais, la preuve c'est que j'ai eu du succès, que le patron m'avait choisi pour être meneuse de revue, que ça a duré 20 ans. Ben c'est pas mal, 20 ans. Je pensais, tu es une jeune fille, un beau jour tu vas te réveiller, tu seras une jeune fille. J'espérais, je croyais en Dieu, je croyais dans le miracle possible. Voilà, nous vivions dans un petit patelin qui s'appelait les Issères. C'est entre Alger et Tizi Ouzou. Mais à l'époque, vraiment, je ne voyais rien qui se passait. J'étais épouvantée. Mais je n'ai jamais parlé à qui que ce soit de quoi que ce soit de pareil. Non, jamais. C'est bien, ça m'a appris à aimer le silence, à aimer le secret sur tout ce que je fais. Moi j'avais peur, je ne pouvais pas, jusqu'au jour où Coccinelle est passée avec la troupe du Carrousel. Il y avait marqué les plus beaux travestis du monde, 100 millions de costumes, enfin des choses comme ça. Et tout le monde parlait d'elle. Ce sont des hommes qui s'habillent en femmes, oui, mais à l'intérieur de ce spectacle, il y en a une qui est extraordinaire, on l'appelle Coccinelle, elle sort à la ville, on l'appelle Mademoiselle. Et naturellement, j'ai vu un spectacle qui m'a époustouflée. Et ça m'a immédiatement donné l'idée d'en faire autant. Je me disais, bon, ça doit être possible, on passe à travers des mailles, on connaît des difficultés très probablement. Mais voilà, je voulais vivre tel que je savais que je pouvais vivre maintenant, mais ça ne me faisait pas peur. Paris by night, Paris des amoureux, Paris des amuseurs, Paris où naissent les vocations les plus secrètes. À part me prostituer, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à 18 ans en arrivant à Paris. Moi, j'ai eu la chance. Je suis donc allé voir chez Madame Arthur, j'ai vu la patronne, prends une ou deux chansons et on va voir ce que ça donne. La première chanson de ma vie que j'ai chantée, c'est Printemps à Rio de Charles Trenet. Je faisais une chanson vers minuit et une chanson vers 4-5 heures du matin. Le Carrousel de la rue du Colisée était très chic. C'était un beau cabaret. D'ailleurs, quand il avait ouvert, ça avait été ouvert avec des valets à la française qui tenaient les flambeaux comme ça, qui amenaient la clientèle à leur place. Les touristes, s'ils allaient dans deux boîtes, dans deux cabarets différents, ils allaient au Lido et au Carrousel. Les gens, la clientèle, qui venaient voir des travestis, ils voulaient des hommes en femmes. Mais quand il y avait envoyé de la féminité, etc., c'était nous qu'on remarquait le plus. Ils se disaient, mais non, mais c'est pas possible, mais regardez. En réalité, on avait plus de succès. Si bien que les autres, ça les frustrait. Ils se disaient, mais si vous êtes des femmes, c'est pas votre place. On nous disait des trucs comme ça. On disait, mais oui, ça n'allait pas plus loin. C'est pas moi, ça. Quand on veut dire sourire folie, on dit Paris, Paris, Paris. Il y a là tout ce qu'on peut trouver pour embellir les idées. Quand on veut vivre et suivre sa vie, on dit. Donc là, Paris, vous avez les Paris, cheveux Paris, bouclés, assez clairs. Oui, les cheveux sont blonds là. Et vous avez un. C'est-à-dire là, ils sont châtains. Oui, c'est les visions. Avec Coccinelle, il fallait avoir des visions. Ça fait des frais, mais enfin, elle me nourrissait, elle me logeait. Depuis, naturellement, j'ai honte de mettre des visons. Quand on veut dire sourire folie, on dit Paris, Paris, Paris. Il y a là tout ce qu'on peut trouver. Ah, c'est fini. Coccinelle a fait un grand mariage. A fait un grand mariage. Public. Public, publicitaire même, oui. Et je me souviens d'une journaliste, elle lui demande, mais comment se fait-il que vous soyez mariée si vite après l'obtention des papiers? Croyez-vous qu'elle aurait dit par amour? Elle a répondu pour être la première. Bien, vous savez, je suis allée à une soirée où j'avais une robe rouge avec des pastilles noires. Et on m'a dit, on dirait une coccinelle. Et j'ai gardé ce nom qui m'a porté bonheur aussi. Le cabaret, c'est aussi des réseaux d'entraide. Et c'est très important aussi que ces personnes-là recontextualisent qu'est-ce que c'était qu'être trans de leur temps. Karine Espinera est chercheuse en sociologie. C'était, comme perspective professionnelle, pour beaucoup, c'était ça, quoi. Le cabaret ou rien. Et cofondatrice de l'Observatoire des transidentités. On disait qu'elles étaient plus femmes que les femmes. Ces stars, finalement, elles ne détonnaient pas plus d'autres, entre guillemets, femmes biologiques, entre guillemets, de leur temps. Coccinelle est une femme de son temps, Bambi était une femme de son temps, c'est juste qu'on a focalisé sur le fait qu'elles étaient trans. Coccinelle a une image, à un moment donné, négative dans les milieux militants, en disant, mais c'est à cause d'elle que l'État a verrouillé le changement d'état civil, etc. Quelque part, sa survisibilité et ses frasques, entre guillemets, nous ont porté tort. Alors qu'en fait, moi, je crois que c'était très intéressant ce qu'elle faisait d'exister dans l'espace public. Qu'elle ait voulu se marier, c'était très bien, elle a bousculé les institutions. Ce sont les institutions qu'il faudrait peut-être pointer du doigt en disant, mais comment, quelque part, ils ont puni les trans. Je trouve que cette visibilité-là, d'être out, c'était bien. On doit beaucoup à Marie-Pierre Prévost, donc Bambi, avec son coming out et le fait qu'elle revienne dans la visibilité, parce que d'un seul coup, elle a réinscrit quelque part l'ancêtre. C'est-à-dire les personnes trans ont des aînés, et ces aînés ont une histoire, et cette histoire aussi, elles peuvent, ils et elles peuvent nous la transmettre. Mais donc c'était finalement un des premiers lieux à Paris où il y avait une sociabilité, un moyen de se rencontrer aussi pour d'autres personnes transgenres. Oh, d'autres personnes transgenres, vous savez, c'était interdit. Ça n'a pas tardé à se répandre. Et puis il y a eu de la prostitution, place Pigalle, place Blanche. Alors la police a trouvé une bonne excuse pour faire la chasse aux travestis. Et cette chasse a été de plus en plus forte et de plus en plus organisée. Les gens qui étaient pris étaient amenés au poste, faisaient 10 heures de poste, étaient relâchés après. Parce qu'il fallait empêcher le mouvement de grandir. Or, ils s'attaquaient à une chose impossible. Déjà en 1954, il y a eu une mise en application d'un décret de police, interdiction de porter des talons, des jupes et des perruques. Et des faux seins, pour les hommes. Donc, même en spectacle. Et Madame Arthur a dû trouver le moyen de faire ses spectacles, alors avec des tricheries, pas possible, parce que les perruques, je me souviens d'Evrest, par exemple, qui s'était fait une coiffure en raffia sur la tête, une grande coiffure en raffia, du coup, qui tombait jusque par terre. Quelqu'un avait imaginé comme jupe une seule jambe de pantalon, l'autre pas du tout, et la jambe était tellement large que tout le monde croyait que c'était une jupe. Capucine m'avait dit, oh ben moi je n'ai pas de problème, je passerai nu-pied et puis en maillot de bain. Et vous étiez justement un peu en contact avec ces autres personnes justement qui étaient à Pigalle, qui se prostituaient? Ah ben quand on se rencontrait, oui bien sûr, qu'on danse sur les mêmes rythmes, les mêmes chansons, on met dans les jukebox, on danse, on fait les fous, il y avait des garçons qui étaient là, peu à peu on se connaissait. Vous vous appelez ? Yadine. Vous êtes née en 1914. Vos prénoms masculins, s'il vous plaît. Jean. Émile. Jean. Émile. Marcel. Émile, Marcel. Il y a combien de temps que vous vous appelez Jeanne? Je ne peux pas dire, je ne m'en souviens plus très bien. En 1965, Marie-Andrée Schmindenhammer a fondé l'AMAO, l'Association d'aide aux malades hormonaux. C'était la première association transgenre en France. Il semble que Marie-Andrée Schmindenhammer se travestissait avant-guerre. Elle a raconté qu'elle a subi des injections d'hormones au camp du Struthof où elle a été internée comme résistante. Mais toujours est-il qu'elle a pu assumer son identité de femme à la libération et se consacrer à la cause des personnes transgenres. En plus de l'AMAO et de sa clinique, Elle livrait aussi du champagne au carrousel. Marie-André était bouillante. Elle avait constamment envie de rendre service, d'être intéressante, etc., etc. Et Marie-André a créé l'AMAO, Association des malades hormonaux. Et alors, elle nous priait d'adhérer à l'AMAO. Figurez-vous que nous, au carrousel, quand ça a été créé, en tout cas, moi, j'ai pris parti contre. Et sur le moment, personne n'a adhéré. J'étais heureuse ici. Allez-y. Je suis heureuse d'avoir connu le PAO. Mais vous êtes toute comme ça. Mais je le sais bien. S'inscrire officiellement comme étant malade, c'est la dernière des choses à faire. Alors vous trouvez peut-être drôle que moi, à l'âge de 65 ans, je sois à la défense de ces pauvres êtres. Eh bien, c'est parce que moi, je suis une victime, mais pas comme eux. Je ne suis pas une victime de l'hormone à la naissance, mais je suis victime de l'hormone qui nous a été injectée par les Allemands. Alors, elle a monté une fable comme quoi les nazis lui avaient fait des expériences au camp du Struthof et ils lui avaient fait prendre des hormones. Les hormones étaient déjà là. Hélène Azéra est journaliste. Et donc, elle a monté la première association. Femme de radio. Le fait qu'elle avait un titre de résistante. Et militante d'ACT UP. Ça l'a quand même aidée. C'est drôle comme après la guerre, tous ceux qui avaient fait... la résistance, il pouvait ouvrir des boîtes homo. N'empêche qu'elle avait un peu ses petites entrées à la préfecture de police. Et elle a pu créer cette association. Et après, elle a eu l'air de dire, de montrer que c'était une association de bienfaisance, etc. Elle a eu des certificats médicaux des uns et des autres. Et elle est arrivée à faire admettre à la préfecture de police qu'une carte de l'AMAO pourrait passer pour être acceptée comme une carte d'identité avec une photo en femme sur la photo. Chose qui était interdite jusque-là. Alors, quand elle est arrivée à ce résultat, certaines, même au carrousel, ont adhéré à l'AMAO. Ça a évité un peu les ennuis. Je l'ai eu, c'était très pratique. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Bah, c'était une fausse carte, et c'était en deux volets. Il y avait le volet nouvelle identité, et puis le volet ancienne identité avec. Moi, j'ai une amie qui allait en Tunisie avec sa carte de l'AMAO. À cette époque, il fallait montrer ses papiers quand on prenait un hôtel. Et ça passait. C'est un peu ancien tout ça, hein, quand même. Moi, je suis arrivé en 75 et j'en ai bénéficié, mais ça existait depuis un bout de temps. Elle était très autoritaire. Voilà. On a tout essayé sur moi. Les piqûres d'hormones mâles m'ont rendu dingue. Ne pouvant rien faire, je suis tombé entre les mains des médecins. Des hôpitaux, j'étais obligé de changer de vie. On avait besoin d'infirmières. J'ai dit pourquoi pas être infirmière. J'ai été infirmière. Et maintenant, j'ai une petite clinique que je mets à la disposition de ceux qui, naturellement, ne sont pas comme moi. Je vais vous dire très sincèrement quelque chose d'extraordinaire. Je me suis accepté. Moi, actuellement, tous mes papiers sont féminins. Je me suis débrouillé. Je suis très heureuse. Elle a fait une association, mais en même temps, il y avait une clinique où on faisait des épilations, où il paraît qu'elle en suspendait par la gorge pour leur faire rentrer la pomme d'Adam. Bon, c'était un personnage haut en couleur. Alors, moi, mon grand souvenir, on venait foutre le bordel, on venait se moquer d'elle. Des fois, il y en a une qui lui a volé sa fourrure. Mais je me rappelle... Tout le monde était là. Et il y avait une petite dame parfaite. Petite dame, très bien. Et puis, bon, au bout d'un moment, on lui dit, mais pourquoi vous êtes là ? Elle dit, mais je suis comme vous. Et tout d'un coup, on l'a regardée, et on se dit, on a un avenir. coup ? Il y a eu 68. Mais je me suis dit, mais la Sorbonne, c'est peut-être aussi important que le Carousel, après tout, on pourrait peut-être y mettre les pieds. C'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à une école par correspondance. J'ai passé le bac. Et personne ne vous a jamais reconnu ? Parce que non. Vous étiez célèbre. À la Sorbonne ? Non. Ce que je voulais, c'était vivre une vie anonyme, être Madame Pruvot, et qu'on ne me regarde pas encore avec des yeux. On ne pose pas le même regard sur vous quand on sait qui vous êtes et quand on ne sait pas qui vous êtes. Et j'ai beaucoup apprécié qu'on ne sache pas qui j'étais. Nous voulions faire quelque chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos. Ma première grande expérience de l'activisme, ça va être avec le FAR, donc le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. C'était un bordel inimaginable. En plus, ça baisait dans les étages. C'était le suprême bordel. Et en même temps, c'était nouveau. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do. Le phare jusqu'à présent, rien qu'en faisant le numéro de sous, plus les quelques actions qu'on a faites, et par le bouche à oreille, à la dernière agent, on était 150. Je dis pas que c'était les grandes masses, tu vois, mais d'un seul coup, passer de 30 à 150, ça nous fait quelque chose. J'ai découvert donc, je sais pas, j'avais 18 ans, à quel point l'activisme vous crée. Pour moi, c'est la première association de revendication sur les mœurs. Et elle est accrochée à une revendication culturelle et libertaire. En plus, c'était du militantisme quand même joyeux, très joyeux. Et vous faisiez quoi au phare alors ? Je sortais d'asile psychiatrique. J'avais passé un an, un truc maniaco-dépressif. Et là, on est en 72. Les gasolines étaient un mélange de gens plutôt... Bon, aujourd'hui, je sais pas, ils auraient fait du théâtre, du cinéma, ou c'est des gens avec un besoin d'expression énorme. Michel Cressol, journaliste, en communauté, était militant au phare en 1971. Chaque fois qu'il y avait une soirée, on se présentait aux portes des boîtes qui s'ouvraient toujours pour ces créatures habillées avec des robes du soir, des tenues qui se rapprocher évidemment de modèles du cinéma américain, parce que c'était en général des cinéphiles, mais certaines des gasolines étaient très très radicales et qui sont allées assez loin dans la force, comme ça, dans leur expressivité. Elles étaient partout, c'était comme des gens étaient terrorisés par elles. Un jour, il y a deux gasolines qui ont surpris Jean Poiret, qui à l'époque avait un succès énorme avec La Cage aux Folles, était considéré comme une image insultant l'homosexualité, dérisoire, le point de vue des bourgeois. Et donc, elles ont commencé à insulter Jean Poiret, qui dînait à une terrasse avec des amis. Et Poiret, évidemment, bon, qui a pas mal d'esprit, a dû leur en sortir aussi. Elles sont revenues avec une poubelle dans laquelle elles avaient pissé et lui ont jeté la poubelle sur la tête à une terrasse. Non, la chose qui est affolante, c'est comment on a construit un mythe sur quelque chose qui n'existait pas. Ça, c'est... On n'a rien fait. On n'a pas fait une pièce de théâtre. On n'a rien fait. On courait en criant. Et on se retrouvait avec tous les photographes sur le rable. J'étais pas trans au phare. J'étais pas trans. J'étais couverte de paillettes et je hurlais, mais je n'étais pas trans. Ben non, moi j'étais un peu perdue. Puis ça durait 2 ans, le phare, et en 2 ans, les gens changeaient très très vite. Et petit à petit, j'ai ouvert quelque chose qui était en moi, aussi au fur et à mesure que la maladie pour laquelle j'avais été internée était en train de disparaître. Moi, je suis passée de folle à femme. Je ne suis pas passée d'homme à femme. Non, moi c'est surtout le truc, c'est que depuis 72, depuis le phare, combien de trans ont été tués en France? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et on préfère parler des gasolines. Alors oui, le phare m'a donné la force de faire de moi ce que je voulais. Ça oui, mais c'est des vies vraiment différentes, même si elles pouvaient se croiser. Écoutez, voilà, alors c'est une vieille histoire, ça a un peu évolué depuis, mais j'ai bossé pendant 2 ans à la Cinémathèque, j'ai vu 5000 films muets, j'adore le cinéma muet. Je me présente pour le concours de l'IDEC. C'est un des moments pires de ma vie. Hein. Et il y a un garçon de la bande qui est du cinéma, etc., qui fait partie du jury, c'était Delannoy, et qui vient me voir en disant, bah, tu sais, il a dit, on ne peut pas la prendre, ça ferait trop de scandale. Voilà, le résultat, 3 mois après, j'étais au tapin. Je considère que c'est Jean Delannoy, je suis un peu snob, qui m'a envoyé au tapin. J'avais les notes. En 72, il n'y avait pas de modèle. Mes modèles, c'est les écrivains noirs américains. La discrimination, ils savent ce que c'est. Et donc, je lisais Baldwin, je lisais des livres, la Renaissance à Harlem, etc. Et il y a un livre où ils disent que chez les Noirs américains, il y a une personne qu'on respecte, c'est celle qui fait un métier que personne n'a fait avant. Le premier à être avocat, le premier... Et vous avez été quand même la première journaliste à travailler ouvertement. Je suis très fier. Vous savez, moi, je suis entré à Libération par Michel Cressol. J'ai une chance incroyable. Le sida, j'aurais pu m'en passer. Mais j'ai eu une chance incroyable et j'ai rencontré des gens formidables dans ma vie. Alors, bonsoir à tout le monde. Nous sommes ici ce soir, donc, comme vous le savez, au CCL, le Centre du Christ Libérateur, et qui est une association d'entraide et d'information pour les minorités sexuelles. Et ce soir, c'est la soirée des transsexuels. Bien que l'association soit d'inspiration chrétienne, les non-chrétiens ou des gens qui ont des convictions religieuses ou politiques ou philosophiques tout à fait différentes sont également les bienvenus. Mais nous leur demandons quand même de respecter un instant le moment de recueillement que nous allons maintenant avoir. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes d'être ici ce soir autour de cette table pour ce repas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon appétit. En 1976, le pasteur Joseph Doucet a fondé le Centre du Christ Libérateur à Paris pour offrir un espace de parole aux minorités sexuelles au sens très très large, homosexuels, lesbiennes, transsexuelles, sadomasochistes, pédophiles et transgenres, bien que la transidentité ne soit pas une sexualité. Il a aussi écrit des ouvrages sur toutes ces questions, dont La question transsexuelle en 1986, et il est mystérieusement assassiné en 1990. Je suis installé à Paris depuis presque 10 ans, et ma première information, c'est ce que je crois être une association, celle du pasteur Doucet. Maudieuse Thomas est chercheuse. Et ma vie pré-militante, c'est pas encore de la militance. Et cofondatrice de l'Observatoire des transidentités. C'est dans l'église du pasteur Doucet. Alors, il était psychologue de formation, et ensuite pasteur et homosexuel. Tom Rocher, psychologue, fondateur de l'ASB, du GATT et de l'émission de radio Bistouri Oui Oui. Avait décidé d'ouvrir un centre pour accueillir ces minorités sexuelles, comme il les appelait. Même si la transidentité n'est pas une sexualité, mais c'était quelqu'un qui proposait des activités, comme on avait un repas par exemple, 4 fois par an, on pouvait avoir un espace où on venait partager un repas, discuter, s'habiller dans le genre qui nous convenait, utiliser les bons pronoms. Il y a des gens qui venaient de loin, qui venaient de province, qui venaient de banlieue. J'ai rencontré les premières personnes, mes premiers amis, je les ai rencontrés là. Et arrivent les premières associations trans. Celle fondée par un groupe de 4-5 personnes autour de Tom Rocher qui va fonder l'association du syndrome de Benjamin, auquel j'adhère très rapidement. J'en deviens la secrétaire de l'association, alors que je suis une personne extrêmement solitaire. C'est probablement tout ce contexte qui se partage entre un contexte de silence, de honte, et de l'autre côté, un contexte de psychiatrisation, un contexte de violence, un contexte de transphobie, on dira aujourd'hui. Et entre les deux, eh bien, il n'y a aucune place pour nous. C'était la deuxième partie des années 90. On faisait tout à l'huile de coude, quoi. Tout était fait avec 3 francs 6 sous, à la débrouille, aux dons. Je me souviens qu'on passait donc nos samedis, parfois les dimanches, à essayer de répondre à des gens, à des interrogations, des demandes de documents, des demandes d'informations qui nous arrivaient par courrier. Et donc on passait des fois des journées entières à coller des timbres. Et ce qui m'avait marqué, c'est de répondre et d'essayer de rassurer et d'informer des gens, alors que moi-même, j'étais en train de découvrir ma propre transition et en train de faire ma propre transition. L'ASB, c'est très rapidement un espace protégé. Des gens de toute la France convergent vers cette association qui fait rapidement école. L'année suivante est créé le CARITIG, puis le programme de prévention des maladies et de protection des travailleuses du sexe, surtout migrantes et sans papiers, le PAST. La question trans émerge, même si elle se décrit encore avec les mots du glossaire psychiatrique. Je me suis rendu compte qu'il fallait très rapidement s'informer à tout un tas de choses. Il fallait être un peu médecin, il fallait être un peu avocat, enfin un peu juriste. Il fallait être un peu tout un tas de choses pour être en capacité de gérer et de comprendre comment gérer, entre guillemets, nos transitions. À l'époque, on réfléchissait déjà donc sur la possibilité d'une loi, parce qu'on sentait très très bien que le changement à l'état civil, c'était vraiment un problème. Il n'y avait pas la force de frappe d'aujourd'hui. On se formait à la militance trans en la faisant, quoi, sur le tas. Alors, on avait commencé de récolter les adresses, etc., donc de faire une sorte de bibliothèque d'informations, quoi, et de pouvoir distribuer tous les médecins positifs en dehors des équipes hospitalières. On éditait un petit bulletin qui est devenu par la suite un journal, une sorte de fanzine, quoi, qui s'appelait L'Identitaire. C'est-à-dire de pouvoir être acteur de sa vie, maître de sa vie, et de pouvoir contrôler un petit peu nos transitions, quoi. À ce moment-là arrive l'explosion associative gay, lesbienne, bisexuelle, etc., etc. Et donc on va absolument à toutes les réunions dans cette explosion associative qui était partagée entre la joie d'être entre nous, la joie de dire bah moi je suis trans, moi je suis bi, moi je suis lesbienne, moi je suis butch, moi je conteste tous ces pseudo-savoirs et l'horreur de la pandémie du sida. Des maladies infectieuses que je connais depuis 2003 quand je suis commencé à chercher des endroits pour mes soins. Giovanna Rincon est militante. Et c'est vrai qu'ici, hola nena. Fondatrice et directrice de l'association Accept ST. Esperando a Claudia. ¿Dónde está ella? Ah, están reformando todo. Donc voilà, à l'époque, j'étais un simple patient. Et donc voilà comment ça change. Bonjour. S'il te plaît, je veux prendre de votre cocktail de jus. Ah, attendez là, elle va arriver. Angela. Je grandis en Colombie, à Bogota. Et c'est vrai que une fois, j'avais 12 ans, je lisais un magazine sensationnaliste. Et du coup, il y avait 2 femmes transgenres qui étaient là, en photo, en grande page. Et c'était Roberta Close, une Brésilienne qui était très connue dans les années 80. Et puis Eva Rovins, une Italienne aussi très connue, et qui racontait qu'il prenait la pilule en fait. Et que c'était ça les hormones qui permettaient de se féminiser, etc. etc. Et donc, bah, quand tu lis qu'est-ce que c'est la pilule, bah, tu dis bah, la pilule, c'est ma mère et ma soeur qui la prennent. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre les hormones. J'ai eu mon indépendance économique très rapidement. J'ai ouvert quand même un salon coiffure à 15 ans. J'avais même à 16 ans déjà des salariés dans mon salon. Alors, c'est l'époque en 90 où les personnes trans commencent à sortir du travail du sexe avec la possibilité de faire autre chose, mais qu'est la coiffure. C'est devenu le genre, ah, c'est magnifique, sont tellement extravagantes, le cliché, sont tellement dans l'extravagance de la féminité qu'ils savent mieux faire que les femmes. Mais à 18 ans, genre 19 ans, je me suis retrouvé un jour à faire un test de VIH qui a été positif et que le médecin qui m'a rendu le diagnostic était en larmes me disant que a priori j'avais 300 de vie et ça c'était dans les années 90 et tout de suite il y a eu après le diagnostic une espèce de révolte. Et j'ai remis en question beaucoup de choses parce que à 12 ans, quand je me suis retrouvé dans la rue et jusqu'à 18 ans, j'ai fait des allers-retours, etc. Jamais je me suis prostitué. Et j'étais plutôt putophobe. Parce que, à ce moment-là, j'avais l'impression que les maladies sexuellement transmissibles étaient que pour les travailleuses du sexe. Parce que c'était ça que j'entendais, en fait. Et quand je me suis retrouvé séropositive, je me suis dit, ah, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de prise en charge, il n'y avait rien. Il y avait une seule chose, cachée absolument, que tu étais contaminé par le VIH. Sinon, tu risquais même la lapidation. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des bandes de nettoyage social qui existaient toujours. Et c'est des bandes de fachos hein, qui tuaient les SDF, les prostituées, les trans, les homos, etc. À l'époque, il y avait des assassinats, mais c'était à coups de mitra et laissé 20-30 dans un seul coup. Et j'étais victime, mon corps elle est blessé, j'ai des cicatrices, parce que j'étais deux fois victime des violences transphobes. Donc voilà, à 23 ans, bah, le temps passe. Le verdict qu'en quoi bah, j'allais mourir commence à arriver à terme et je prends la décision de vendre tout en Colombie, mon salon coiffure et tout ce que j'avais, de partir en Italie, à Rome, avec la décision très claire de faire le travail du sexe. Parce qu'il y avait d'autres femmes transgenres aînées qui étaient déjà rentrées en Colombie et qui avaient créé un espace socio-économique autour d'elles. Énorme. Ça m'a fasciné de voir comment ils ont inversé la situation de discrimination. Et ça n'a pas manqué. Hein. Je pars, j'arrive en Italie. En 6 mois, j'avais déjà acheté une maison pour ma famille et pour moi. Et là, j'ai retrouvé qu'il y avait un travail digne. Le travail du sexe, c'était un travail. Ok, les conditions dans lesquelles on le faisait, ce n'était pas facile non plus à l'époque en Italie. C'était dans la rue Évidemment, c'était dans la rue, c'était souvent persécuté par la police, des rafles en permanence, des problématiques aussi de s'exposer à des violences, il fallait rester toujours accompagné entre nous, les filles, etc. etc. Donc, 95 arrive et c'est les premières femmes trans qui étaient autour de moi, de ma nationalité, des Brésiliennes et tout ça, qui commencent aussi à mourir dans les hôtels. Et c'est là où je commence à prendre conscience de ce qui nous arrivait. À ce moment-là, entre 95 et 98, il n'y avait rien comme traitement pour le VIH. On faisait rien d'autre que enterrer les filles. C'était ça l'Italie à l'époque. Get him wrong, don't get him mad. He might be a father, but he's sure ain't a dad. She don't need advice to send her. She's happy the way she looks. She's happy with her gender. And they love each other so androgynous. Closer than you know. Love each other so androgynous. En 98, il y a la première annonce internationale comme quoi il y a les premières antiprotéases. Et c'est la première fois que je vois à la télé les mouvements communautaires. Et ça a été une révélation. J'ai vu ACT UP, il y avait aussi les premières séropos en Italie qui prenaient la parole. Donc j'ai contacté rapidement une association pour les droits des personnes prostituées en Italie. La première chose qu'elle m'a dit, tu as le droit d'aller à te faire soigner. Je suis allé à l'hôpital San Galligano à Rome. Je n'oublierai jamais le regard qu'avaient les infirmières, les médecins. Dès qu'ils m'ont vu, dès qu'ils ont compris que j'étais trans, que j'étais migrante et sûrement prostituée, ils étaient choqués que je puisse aller demander ce genre de traitement. Après l'entretien avec un médecin, et qui a commencé à me lire la Bible, limite, qui me disait que s'il y avait le sida, c'était à cause des gens comme moi. Et en sortant de cet hôpital avec les traitements, j'avais le cœur qui battait, je ne savais plus où j'étais parce que c'est là où je prends conscience que finalement j'étais déjà morte en fait au moment du diagnostic. Et que là, j'avais devant moi l'espoir de rester encore dans ce corps-là, vivante. Et c'est vrai que la première chose aussi qui m'est venue en tête, c'est « Ok, j'ai ça, c'est pour moi. » Et les autres? Et je vais commencer à en parler autour de moi. Et comment il fallait faire? Et s'il y a des problèmes, ben, tu me préviens. Et puis, bah, en 2002, je sais qu'il y a une amie d'enfance, trans, femme trans, qui tombe malade, gravement malade. Là, ils ont fait tous les examens, ils ont dit qu'elle était en phase terminale sida. Donc, j'avais déjà entendu que d'autres personnes trans étaient venues en France, à Paris notamment, et qu'elles avaient été bien prises en charge, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, je vais tenter pour mon amie. On a fait une collecte entre toutes les travailleuses du sexe, qui on était là, et on a payé une ambulance qui nous a coûté 8000 euros. Et je suis parti en novembre 2002 avec elle dans une ambulance. J'ai hospitalisé mon ami là-bas. Je m'étais installé en face de la Pitié. J'ai payé un hôtel 6 mois sans faire le travail du sexe ni rien. J'avais déjà acheté le bacharel pour apprendre le français. Je faisais voilà, mes répétitions en donnant à manger à ma copine parce qu'elle était toujours paralysée. Et donc, une infirmière a appelé une association qui s'appelle PAST, qui est à Paris aussi. Et le lendemain, quand je suis arrivé, une personne du PAST était là. Et je découvre une association des trans pour les trans. Je me suis dit, fou! Le truc des malades, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Et du coup, bah, ça a été une révélation pour moi. Il y a un moment où je me suis dit, c'est ma place. Je me contamine et j'avais un ami américain. Et la même semaine, je reçois 2 mails. Le premier dit qu'ils viennent de se rendre compte aux États-Unis que la population trans a été une des populations les plus touchées par le sida et que le taux c'était autour de 30%. Et le deuxième mail était qu'à San Francisco, les trans de couleur, c'était 60%. Donc avec ça, il y avait vraiment le lien discrimination-contamination. Et puis bon, j'avais perdu mon ami Michel Cressol. Il aidait un peu ACT UP. Je suis allé à une manif, puis je dis à Didier Lestrade, je lui dis, bon ben, Michel n'est plus là, je le remplace. Et on va faire une commission trans. Trans et sida, la communauté du silence. Depuis le début de la pandémie, les trans ont été oubliés. Avons-nous droit à autre chose que le voyeurisme ou l'indifférence? Nous exigeons qu'une étude épidémiologique soit réalisée avec l'aide des services hospitaliers afin d'avoir une indication du nombre de patientes trans suivies pour le VIH et les hépatites. Nous exigeons des campagnes de prévention du sida en direction des trans et de leurs partenaires. Act Up, 8 décembre 2005. Parfait. Voilà, alors merci pour votre attention. Moi, il faut simplement que je change de fichier. Juin 2004. Madame Mercader. Oui. Action du GATT, groupe activiste trans, à l'occasion d'un colloque organisé à la Cité des Sciences de la Villette. Peut-être on peut laisser la parole à Madame Mercader et ensuite, vous, évidemment... Elle n'a pas parlé, c'est du transphobe. Elle n'a pas parlé, son discours est criminel. Elle cautionne les discriminations transphobes. Madame Mercader... Le GATT, donc ça signifie groupe activiste trans, arrive du contexte de ACT UP, une forme de militance employant parfois de manière très forte. Ben, on devait être tous les quatre d'accord. Voilà, c'était l'unanimité où on ne faisait pas. Je me souviens très bien de zapper, par exemple, à la Villette, une brochette d'experts autoproclamés. Sam Boursier est sociologue et fondateur du séminaire Le Zoo. Il y a des gens qui disaient que les trans sont des psychotiques, quoi. Elles les traitaient comme telles. Le groupe activiste trans s'étonne et s'indigne ce soir qu'une cité comme celle des sciences et des industries prenant le débat public et par conséquent l'ouverture des échanges invite Patricia Mercader au maître de conférences en psychologie sociale, auteur de l'illusion transsexuelle. Au nom de quoi, Madame Mercader, vous permettez-vous de parler à notre place si ce n'est pour asseoir le statut que vous nous infligez? Je vous cite, la conviction de ne pas être de son sexe mais de l'autre relève du domaine de l'illusion voire du délire. Je vous cite encore. Le syndrome transsexuel peut se concevoir comme une forme particulière de décompensation psychotique ou bien de décompensation chez un borderline. Pourquoi est-ce que vous parlez à notre place si ce n'est pour mettre en avant votre moralisme hétéropatriarcal absolu et une position totalement idéologique? Nous voulons disposer librement de nos identités sans définition et de nos corps sans nom. Vous êtes responsable des corps mutilés, estropiés par des opérations de réassignation dont la réussite fonctionnelle est esthétique et aléatoire en France. Des psychiatres et des psychanalyses. Vous êtes mal conscients, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vous qui êtes en plus de cette clandestinité dans laquelle vous nous poussez. Une fois que la mobilisation est solide, il faut commencer l'activisme culturel. On a commencé le groupe queer Le Zoo en 95, premier groupe queer en France. Bon, il y avait la Pride, il n'y avait pas d'activité culturelle. On dit, bon, nous, on s'en occupe. Donc on était parti sur une forme d'activisme culturel. Mais moi, je n'avais pas de culture politique. Hein. Moi, j'ai appelé ça un laboratoire des études culturelles, en fait, à l'époque. C'est-à-dire qu'on était trans, gays, des lesbiennes, etc., des bi, et... On se réunissait dans un lieu et justement, on arrivait avec nos savoirs et on créait une sorte de pot commun et on mettait nos idées. On envisageait aussi par exemple, la publication, donc on a organisé des séminaires. Alors, il y avait d'autres actions qui étaient beaucoup plus ludiques et militantes à la fois. Par exemple, avec Maudius Thomas, on s'était filmé en train de s'embrasser, c'était sur la place Mouffetard. Donc on faisait un baiser entre guillemets lesbo-trans, pour dire comme ça, sur cette place-là, et on filmait la réaction des gens. C'était Saint Boursier qui était vraiment très très imprégné par ses lectures et qui du coup nous les a amenés. Nous aussi, ça a été l'occasion de nous familiariser avec les écrits aussi qui venaient des études transgenres qui nous arrivaient des États-Unis. Je pense à Ken Bronstein par exemple ou Sandy Stone. On n'avait même pas vent que ça existait quelque part. Et nous, ça a été mais vraiment une découverte vraiment fondamentale. Oui, on est entré dans le post-trans quelque part, dans le post-transsexualisme en tout cas. Le nom du zoo était très intéressant parce qu'il symbolisait le fait qu'il y a des barreaux. Entre nous et la société, il y avait des barreaux, mais on se disait, nous, on retourne. C'est un peu comme le phénomène du retournement du stigmate, en disant, c'est barreaux, en fait, c'est pas nous qui sommes enfermés, c'est vous. Oui, bonjour, c'est Camille, co-organisatrice de l'Existrance. C'était juste pour vous dire que samedi 1er octobre, au départ de Bastille, sera conduit une marche, donc qui est l'Existrance, qui est la marche des visibilités trans. Voilà, à bientôt peut-être. Un ou deux sur ma carte, c'est pas vital. Les gens avaient peur, les gens traînent beaucoup la honte. Et j'étais pas exempt de ça non plus. Je dirais que c'est la première Existrance qui m'en a fait sortir. De négocier, de patienter, de se faire insulter, trans et intersexué. Donnez-nous nos papiers, on ne veut plus se faire balader. Ça faisait plusieurs années qu'on envoyait une délégation à la Gay Pride. Pour autant, on était quand même très invisibilisés par toute cette masse de gens, de revendications, de manière d'être dans la rue, etc. France, intersexe, une loi, des droits qui respectent nos choix. Petit à petit, s'est imposée l'idée d'une marche des trans. C'est une de mes idées. 97, il y avait 60 personnes. On est parti de la place du Trocadéro. Ben, je crois qu'on n'a pas pu aller plus loin que le pont d'Alma. Ça m'a fait prendre conscience qu'on pouvait être comme les autres citoyens. On était dans la rue et finalement, on avait la police qui était pour nous cette fois-ci, c'est-à-dire qui sécurisait notre marche. C'était fou, quoi. On n'était pas pire que les autres, on n'était pas les parias, quoi. On pouvait marcher comme les autres et réclamer nos droits. Moi, c'est mon Noël, hein. C'est mon jour de l'an. Pour moi, c'est comme un espèce de salon qui roule. C'est un salon mondain. Et toi, oui, comment ça va? Et en même temps... un garçon trans qui rentre dans une université, pour moi, c'est plus important que de le voir en mini-slip défiler à l'Existrance. Hein. Il faut le dire. L'Existrance a drainé avec elle des enjeux de représentation dans la rue, alors que la rue, c'était, autant que les psychiatres et d'autres gens, c'était notre ennemi principal. Toutes les agressions que moi et tant d'autres ont eues, c'est dans la rue. Là, c'est la même chose que le phare, c'est arriver à une Existrance, puis comprendre qu'il y a 500, 1000 trans qui défilent, ben ça fait du bien à une personne qui justement vit dans l'obscurité en se cachant. 1998-1999, deuxième marche de transsexuel et de transsexualisme est une question d'être. 2000 citoyens comme vous. Droit au respect, respect de nos droits. 2003, 2004, transdiscriminés, psychiatrisation des trans égale transphobie. Merci à Sam Boursier, Karine Espinera, Hélène Azera, Marie-Pierre Pruvot, Tom Rocher, Giovanna Rincon, Maudieu Stoma. Merci aussi à Océan et aux associations AcceptST et Outrance. 2017, face aux oppressions d'État social, racial et médical, intersexes et trans contre vos violences. Extrait du film Phare de Carole Rossopoulos et du film Appelez-moi Madame de Françoise Roman. Prise de son Hélène Langlois et Clémence Bonfils. Documentation Antoine Vuillose et Véronique Lefalère. Archivina Linda Simon. Mixage Catherine Dereté. Les transidentités, pour une fois racontées par les trans, histoire inédite d'une mobilisation, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Annabelle Brouard. LSD, la série documentaire, s'est terminée pour aujourd'hui. Et si vous voulez devenir une gasoline, biblio, lien, nous podcaster avant l'Existrance ou nous réécouter aux réunions d'ACT UP, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.